La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver au deuxième jour de cette semaine consacrée à l'écrivain anglais George Orwell, disparu en 1950 à l'âge de 47 ans. Ses parents ont formé une étrange alliance des contraires entre le petit fonctionnaire bourru, jamais tendre avec son fils, et l'institutrice féministe aimant les livres et dont il a peut-être hérité de son sens de la révolte et de son engagement politique. Il faut dire aussi que plus tard, à Saint-Cyprien, puis à Eton, où il s'est senti méprisé, il gardera la cicatrice qu'inflige une société de classe par trop rigide. Tout cela, Stéphane Malter nous l'a raconté hier dans une émission à réécouter en podcast ou directement sur notre site. L'engagement politique d'Orwell, il s'est également traduit dans ses écrits de reportage, comme dans Hommage à la Catalogne, où il raconte sa guerre d'Espagne. Nous en parlerons demain avec Jean-Jacques Rosa. Enfin, Orwell était un homme du retrait. Vers la fin de sa vie, il s'était installé dans une ferme des îles Hébrides. L'écrivain Jean-Pierre Martin a publié un livre à ce sujet dans la collection L'un et l'autre des éditions Gallimard. Il viendra nous raconter cette période de sa vie. Et aujourd'hui, Disciples prattle. Well. Goodbye to that. How? How make them understand? Aujourd'hui, pour parler du roman mythique de George Orwell, 1984, nous sommes avec vous, François Borde. Bonjour. Bonjour. Vous publiez la semaine prochaine une étude sur ce livre d'Orwell. C'est un essai que vous avez intitulé « La canne à pêche de George Orwell ». Il est publié chez Corlevour. Alors, on sait que le pseudonyme d'Orwell vient d'un fleuve du même nom. Sur votre livre, il y a même la carte où l'on peut voir cette rivière Orwell sur la couverture de votre livre. Est-ce que c'est là l'une des inspirations pour le titre « La canne à pêche » de George Orwell ? La canne à pêche de George Orwell. Mystère, énigme. Eh oui, énigme. Orwell est mort avec une canne à pêche au chevet de son lit. C'est une image un peu surprenante qui m'a traversé l'esprit. Je travaillais parallèlement à la réception d'Orwell en France, dans le cadre de travaux historiques. Et cette image d'une canne à pêche au bord d'un lit, au pied d'un lit de mort, oui, c'est vrai, pourquoi de l'auteur de 1944, garder cette m'avait frappé. Et je l'ai retrouvé dans un essai de Simon Leys qui en parle. Il y a là quelque chose comme peut-être un Rosebud. En tout cas, quelque chose qui dit, ou en tout qui indique une petite direction que j'ai tenté de chercher dans ce petit essai, la canne à pêche de George Orwell. En fait, Orwell était malade. Quelques semaines avant sa mort, il espérait encore pouvoir partir en Suisse, se ressourcer et aller en convalescence en Suisse. Et donc, on lui avait apporté une belle canne à pêche. Il était tuberculeux. Voilà. Mais malheureusement, il n'a pas pu l'utiliser. Cette canne à pêche, elle est présente aussi dans le roman qu'il écrit en 1938, Coming Up for Air, un peu d'air frais, et qui raconte l'histoire d'un VRP, un marchand d'assurance, qui est pris d'une sorte de coup de vague, de coup de folie, qui décide de planter là sa vie et de revenir sur dans son pays d'enfance, de revenir vers son pays d'enfance. C'est un roman de la nostalgie aussi. C'est un roman peu, de l'enfance. C'est un roman de la nostalgie, mais sans aucune tendresse pour la nostalgie, je dirais. C'est-à-dire que c'est une nostalgie qui vient tout simplement du fait aussi que ce personnage, Bowling, qui est évidemment très proche d'Orwell lui-même, ce personnage est en permanence menacé par les bombardiers. Ce que vous êtes en train de nous dire, François Borde, c'est qu'au fond, le titre, la canne à pêche, signifie que tout chez Orwell se rapporte à l'enfance. Vous parlez de Rosebud, vous évoquez aussi un peu d'air frais, c'est ça ? Alors tout, bien sûr, ne se rapporte pas à l'enfance. Très simplement, moi j'essaie de comme on chasse un papillon, de chercher dans cette marque de l'enfance, dans cette trace de l'enfance, dans l'œuvre d'Orwell, la racine est peut-être une des explications de son extraordinaire lucidité et de sont de sa toujours actualité. Mmh. On en parle souvent d'Orwell régulièrement à la radio, et naturellement la récente traduction, nouvelle traduction de José Camoun paru chez Gallimard relance aussi Orwell. Orwell fait l'unanimité et tout le monde dit c'est presque une sorte de gimmick ou de chose qui revient comme ça. La grande lucidité d'Orwell, mais d'où vient-elle cette lucidité? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'enfance lui donnerait particulièrement de la lucidité? Eh bien voilà, ça c'est pourquoi l'enfant lui donnerait cette timidité, lucidité, cette lucidité, pardon. Je fais un parallèle avec la découverte des grottes, des grottes préhistoriques. Il y a une sorte de mode, d'épidémie, de découverte de grottes préhistoriques au XIXe siècle. La première, Altamira, par une petite fille de 8 ans. Et ainsi, on voit, enfin, d'Altamira à Lascaux, ce sont les enfants qui voient. Mm-hmm. C'est le regard de l'enfance, le regard porté sur ce que les adultes ne voient pas. Alors, soit parce qu'ils pensent pas avoir, mais en tout cas, ils voient pas. Et Altamira, c'est le père archéologue, regarde par terre, et c'est la petite fille qui regarde en haut. Daniel Fabre, dans un essai extraordinaire sur Georges Bataille à Lascaux, évoque ce regard de l'enfance et cette lucidité de l'enfance. Je la connecte, en quelque sorte, je la ramène à la notion qu'on trouve chez Bachelard d'enfant permanent, de noyau d'enfance qui nourrissent le regard de l'enfant permanent qui voit ce que les autres ne voient pas. Parce que c'est ça l'énigme avec Orwell. Pourquoi lui, il a vu, compris et exprimé ce que d'autres n'ont vu que par certains aspects. Alors comment ça se traduit pour 1984, qui est le roman dont on va parler en particulier dans cette première partie d'émission? Ça se traduit par, d'abord, le seul élément d'espoir dans le livre, dans le roman. Si on cherche bien, on voit que c'est un roman absolument désespérant, hein, il n'y a pas d'issue. Winston Smith, à la fin, est complètement détruit, complètement brisé, il n'y a aucun espoir, tout n'a été qu'une machination, toute l'histoire n'a été qu'une machination, et il n'y a aucun espoir. Le seul qui demeure tout au long du roman, si vous voulez, l'enfance parle bas dans 1984. Mm-hmm. Elle parle tout bas, mais elle est là, de façon insistante, de façon présente. Elle est là à travers les figures d'enfants que l'on voit dans 1984. Enfin, les enfants sont assez terribles, hein, dans 1984. Voilà. Ils dénoncent leurs voisins, ils appartiennent aux jeunesses horribles du régime. Buvez donc un peu d'eau. Les espions, oui, tout à fait. Il y a ce qu'on peut appeler la marmaille totalitaire. Mais la marmaille totalitaire, qui pourrait avoir gagné, il n'y a pas qu'elle. Parce que s'il y a la marmaille totalitaire, les petits, ceux qui vont dénoncer leurs parents à la police de la pensée, etc., il y a aussi les enfants victimes. Mmh. L'enfant victime est présent dans Orwell, et le corps qui souffre des enfants est présent à travers plusieurs images, des images qui obsèdent le héros, qui observent Winston Smith. Qu'est-ce que c'est 1984? Qu'est-ce que c'est l'histoire de Winston Smith? C'est un homme qui, tout à coup, par un geste, entre en dissidence, bascule dans le cauchemar. Mm-hmm. Quel est ce geste? C'est le geste de l'écriture. Il tient un journal. Il tient un journal, voilà. Il tient son journal. C'est le premier geste, première page de 1984, dans les premières pages de 1984. Il fait ce geste. Et là aussi, l'enfance est présente, puisque Orwell précise que c'est une graphie enfantine. Il y a le geste de présence de l'enfance dans l'écrit, et présence de l'enfance aussi dans ce retour onirique, hein, puisque c'est par des rêves que l'enfant est présent, et ce geste très important qui est celui de la protection de l'enfance. Voilà, et ce geste, il le fait en se cachant du fameux télécran. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la force et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la vérité où il travaillait s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. « Voilà Londres », pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût. Londres, capitale de la première région aérienne. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de 1984, lu par Guillaume Gallienne, 1984, roman qui a paru en juin 1949. Orwell était alors au sanatorium de Coast Road à Cranham et il allait mourir 6 mois plus tard, on l'a dit, d'une tuberculose pulmonaire. Alors François Borde, on a affaire ici à un roman qui est un roman d'anticipation, un roman qui concerne l'avenir, mais qui pour nous aujourd'hui appartient au passé. Les smartphones ont remplacé les télécrans. C'est donc un roman dans lequel finalement le temps est particulièrement important, y compris le rapport aujourd'hui au passé, à l'époque au futur. Tout à fait. Et le titre lui-même marque bien l'importance du temps. Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais juste une petite précision sur ce titre. Mm-hmm. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on trouve partout, naturellement. C'est un anagramme, 1944-1948. Bien sûr, hein, renversé, ça c'est une version. Mais il y a une petite anecdote qu'indique Gordon Bowker, le biographe anglais de George Orwell. C'est l'existence d'un petit poème intitulé 1984, End of the Century. 1984, la fin du siècle. Et ce poème est d'Eileen. Eileen Donc Blair, la femme d'Eric Blair, de George Orwell, qui a joué un rôle tout à fait fondamental, hein, vraiment très très important. Ils se marient en 1935, et elle a un rôle à la fois de dialogue par rapport à ses œuvres, mais aussi de militante politique, parce que on dit souvent, effectivement, Orwell est allé se battre. Vous y reviendrez demain avec Jean-Jacques Rosa. Orwell est allé se battre en Espagne avec la pour défendre la République. Avec le POUM. Le POUM, aux côtés du POUM, mais sa femme aussi. Lui était militant de l'Independent Labour Party, le petit parti d'extrême gauche socialiste. Elle aussi. Et c'était même, elle accompagnait le responsable. Voilà. Donc elle a eu un rôle très important. Alors, Alors sur le passé. Donc dans 1984 et cette question du passé. Oui. Winston Smith, le héros de 1984. Travaille au ministère de la vérité, au Minivers, et il est au service des archives. Quel est son travail ? C'est de transformer, selon les besoins du temps, de retransformer les journaux, hein, et donc de faire disparaître le temps. Ouais, ou de modifier le passé. Voilà, il modifie le passé, mais comme c'est une modification sur modification d'une autre modification, au bout d'un moment, il n'y a plus de repère de temps. Mm-hmm. Temporaliser, retrouver le temps, c'est le premier geste. Écrire, c'est cela. Tout d'abord. Chercher le moyen de se raccrocher au temps. Et là, il y a le rêve qui joue. Mmh. Le corps parle. Le corps, dans les rêves, il ramène au temps. Les souvenirs, l'extrait que vous avez diffusé de 1984, il est suivi par Winston Smith essayant dans sa de creuser sa mémoire pour essayer de se rappeler, de se souvenir comment était Londres. Comment était Londres avant, dans le temps. Alors, c'est aussi un livre qui, même si c'est un livre d'anticipation, est un roman qui parle du temps où il a été écrit, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette ville de Londres de 1946, 7, 8 dans la grisaille finalement de ce roman? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est un roman d'anticipation, mais c'est beaucoup plus une dystopie, où on retrouve naturellement le Londres d'après-guerre. Hein. La maison d'Orwell a été bombardée, il a réchappé de peu au Blitz, hein, au bombardement. Et le Londres et le monde qu'il décrit, c'est un monde ultra-contemporain, de lui-même, de d'Orwell. Mais comme nous aussi, c'est, Orwell c'est à la fois un classique et un contemporain. Il parle, enfin son fils adoptif, hein, Richard, il est toujours en vie. Le monde dont parle Orwell, c'est à la fois son monde, mais c'est aussi le nôtre. Nous sommes les enfants, petits enfants d'Orwell. Et de 1984. Et précisément, pourquoi, selon vous, alors avoir choisi une période aussi rapprochée dans le futur, 1984 par rapport à 1948. Bon, on a dit qu'il y avait l'anagramme sur le titre. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il y a une volonté finalement de dire au lecteur qu'il est en train de décrire quelque chose qui arrive? Bien sûr, c'est le dernier homme sur Terre. Il y a une dimension apocalyptique. Alors, le dernier homme sur Terre, c'est... C'est le premier titre, en fait. Ouais. Quand Orwell écrit 1984, il l'utilise comme titre, hein, jusqu'à très peu de temps, y compris même au moment des épreuves, à l'intituler « Le dernier homme en Europe ». C'est le dernier homme... Il vit dans une atmosphère apocalyptique, mais vous voyez, sa réflexion sur l'enfance, j'y reviens, c'est pas une obsession, mais c'est pour essayer de comprendre. C'est le thème de votre livre. Voilà, c'est le thème de mon livre, La canne à pêche de George Orwell. Pourquoi ce thème de l'enfance, il surgit vraiment chez Orwell après son expérience espagnole, en gros, après le fait qu'il ait frôlé la mort. Hein. Et il s'interroge, il écrit sur l'enfance, il revient vers ses livres d'enfance, il relit Dickens, il relit tout cela, et il va traverser cette période-là, 1936 jusqu'à l'écriture de 1984, avec ce souci constant. Il baigne dans ce que Pierre Péjeu, je reprends son expression, appelle un enfantôme, et qui pousse la rédaction de 1984. Donc il se sent vraiment le dernier homme, parce que pendant cette période, il a vu Spanish Cockpit, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, il a vu la Seconde Guerre mondiale arriver, le récit, oui, voilà, mais il a vu le Blitz, il a vu... en plus, c'est une période où son beau-frère meurt, sa mère meurt, sa sœur meurt, et puis tous les morts de la Seconde Guerre. Donc il y a un sentiment presque apocalyptique, presque eschatologique, que Jean-Pierre Martin d'ailleurs exprime très très bien dans son livre L'autre Orwell, L'autre vie d'Orwell. On en parlera jeudi avec lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il est tout seul, il se sent tout seul, il y a une sorte d'eschatologie que beaucoup ressentent à ce moment-là. Chez les anciens antistaliniens, vous avez l'impression que la guerre nucléaire va se produire, va exploser. Ouais. Alors, vous parlez du passé et de l'importance du passé dans ce roman 1984. Je crois que ça se voit aussi également avec évidemment l'utilisation du langage et notamment le vocabulaire de la novlangue. Nouvel extrait lu par Jean-Pierre Cassel. Le vocabulaire du novlangue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuait à ce résultat. Ainsi, le mot « libre » existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme « le chemin est libre ». Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de « liberté politique » ou de « liberté intellectuelle ». Les libertés politiques et intellectuelles n'existaient en effet plus, même sous forme de concept. Elle n'avait donc nécessairement pas de nom. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le neuf-langue était destiné non à étendre mais à diminuer le domaine de la pensée et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. La compagnie des auteurs, c'est donc le neuf-langue et non pas la neuf-langue, comme je l'ai dit par erreur. Mais c'est pas grave, parce que maintenant on dit le néo-parlé, il paraît. Newspeak, yes. Ah ça, c'est Newspeak, ça a toujours été comme ça, mais la traduction maintenant de José Camoun, c'est néo-parlé et c'est plus le neuf-langue. Donc on a changé les mots finalement, un petit peu comme dans le dictionnaire, dans le dictionnaire officiel de 1984. Le passé a été effacé d'une certaine manière par José Camoun. Alors non, le passé n'a pas été effacé. Vous voulez, enfin, pour la traduction de José Camoun, c'est une excellente nouvelle pour 1984 parce que ça fait longtemps qu'on attendait une nouvelle traduction qui rende plus compte du style d'Orwell, qui est ramassé, qui change les niveaux de langue, qui joue aussi avec une certaine dynamique. Et puis la traduction qui datait de 1950. Voilà, elle date de 1950 et donc il y a certaines formulations en particulier dans la syntaxe. Après sur le choix de certaines traductions, c'est comme toute traduction, c'est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il faut remplacer novlangue par néo-parlé? Honnêtement, la traduction de José Camoun, j'étais en train de terminer mon livre, donc je l'ai utilisé un petit peu entre les deux. Jean-Jacques Rosa a écrit un article sur cette traduction, où il me semble quand même, c'est pas tant Newspeak et néo-parlé et novlangue. Que le passage au présent, peut-être, parce que la traduction de Diverti, c'était au passé, et maintenant, ça passe au présent, c'est important, ça? Ça, c'est un élément qui, à mon avis, est extrêmement important. Alors, le passage au présent dans la traduction de José Camoun, il est pas, il est équilibré, il est nuancé. Bon, dans les premières phrases, peut-être, on regrette d'avoir ça pourrait être vu comme un enfermement sur le présent, ce qui voudrait dire que, quelque part, Big Brother a gagné, puisqu'on est enfermé dans le présent. Puisque Orwell, utilisant le passé, cela signifie que, finalement, la réforme, la transformation de la langue qui devait aboutir à la domination totale du parti de Big Brother, a priori, devrait avoir échoué, on peut raconter l'histoire au passé. Ça veut dire qu'il y a un au-delà de la domination totalitaire. On voit bien que c'est une obsession pour Orwell, cette question du langage, dans 1984. Est-ce que ça l'est aussi dans d'autres romans, comme dans La ferme des animaux, par exemple? Est-ce que cette obsession du langage, on la retrouve partout, selon vous, François Bordes? Oui, c'est vraiment un point très très important de la pensée d'Orwell. Vraiment, cette volonté de précision, d'exactitude, en particulier pour faire ce qu'il disait, faire de l'écriture politique un art à part entière, dire les choses le plus précisément possible. Et il comparait un petit peu ce qu'il cherchait à faire, c'était avoir un style qui serait un peu comme une fenêtre translucide, une fenêtre en verre poli. Alors ce néo-parlé dont il était question dans la lecture qu'on vient d'entendre, c'est une langue officielle de l'Océanie, élaborée donc pour répondre aux besoins idéologiques de ce qu'on appelle le sociangle. Le sociangle, c'est le socialisme anglais. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique que finalement cette nouvelle langue, c'est davantage la langue des élites, des classes moyennes, mais que les prolétaires ont gardé une sorte de pureté, pourrait-on dire, de la langue ancienne, c'est cela. Oui, mais les prolétaires, ils sont dans un état, ils sont tenus dans un état presque, d'esclavage. D'ailleurs, il y a un passage où on explique que de toute façon, on peut bien leur laisser cette certaine liberté ou certains restes, puisque de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans la domination totale du parti de Big Brother. Et le néo-parlé, utilisé donc plutôt par les élites, a pour but de rétrécir le champ de la pensée. Comment ça fonctionne, ça, François Borde? Écoutez, c'est la philosophe la plus proche de d'Orwell intellectuellement, hein, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt explique que c'est l'absence de pensée, que le totalitarisme, c'est la terreur, et l'absence de pensée, ben, quoi de mieux pour développer, enfin pour développer, tuer la pensée, quoi de mieux que de tuer les mots, et de réduire le champ de compréhension, de détruire les mots et de réduire la langue à un simple outil de domination. Voilà, et c'est le dénommé Sim qui est obligé, enfin qui est obligé, il aime beaucoup ça d'ailleurs, faire ce travail de destruction des mots en dégraissant la langue jusqu'à l'os. On pourrait peut-être parler un tout petit peu avant la fin de cette émission de la question de l'amour, parce que c'est très présent comme thème aussi dans 1984, mais c'est difficile de faire l'amour dans ce monde, dans cet univers. C'est même plus ou moins interdit, François. C'est interdit, et surtout ce qui est interdit, c'est l'orgasme. C'est le plaisir. Donc il y a, politique de l'orgasme, en fait, c'est ça? Il y a une politique du non-plaisir et de la suppression. On supprime la pensée, on supprime les mots, on les réduit, on les détruit, on supprime l'amour. Mm-hmm. Hein? Alors, pour cela, bon, on crée un ministère de l'amour. Mais ça, c'est avec le mensonge déconcertant, bien sûr. Mais il y a la volonté de réduire l'amour, de détruire l'amour. De tuer l'instinct sexuel. De tuer la sexualité. Hein, il y a des brigades du sexe. Hein, il y a le bien-sexe. Le bien-sexe, il n'a qu'un seul but, c'est la reproduction. C'est un mot de néo-parler, ça. Voilà, c'est un mot de néo-parler, de newspeak, de novlangue. Au fond, l'acte sexuel réussi, c'est un acte de rébellion, d'une certaine manière. Exactement. C'est un acte de rébellion. Et comme aussi le fait pour le totalitarisme, le Big Brother veut abolir la sexualité, il veut abolir les mots, il veut abolir la pensée, il veut abolir l'enfance. Mm-hmm. Il y a un lien, là, vous établissez un continuum. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, François Borde, d'être venu nous parler aujourd'hui de 1984. Je rappelle que votre livre « La canne à pêche » de George Orwell paraît en ce moment même aux éditions de Corlevour. Il sera dès la semaine prochaine dans les librairies. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique avec aujourd'hui Bruno de Labriole, co-auteur de Classique aux éditions Albin Michel, un ouvrage qui entend revisiter les grands auteurs avec des yeux d'aujourd'hui, et puis co-animateur aussi de la chaîne YouTube Le Moc, qui revisite les grands écrivains à la sauce contemporaine. Bonjour Bruno. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui vous venez nous parler d'Orwell, mais du point de vue des films et de l'image, puisque vous avez revu pour nous le film 1984. Qu'en avez-vous pensé ? Effectivement, j'ai regardé attentivement le film 1984, qui a été réalisé par Michael Radford et qui bénéficie de la meilleure accroche publicitaire imaginable, puisque c'est une adaptation de 1984 tournée en 1984. Ah, c'est bien fait. Alors le projet global du film, c'est bien celui d'une adaptation extrêmement fidèle de l'œuvre d'Orwell. D'abord, le tournage s'est effectué selon le calendrier précis établi par l'auteur et dans les lieux qu'il décrivait. C'est-à-dire que ce qui se passait à tel endroit, tel jour d'avril 1984, a été tourné ce jour-là, à cet endroit-là. Alors également, c'est John Hurt qui est engagé pour incarner Winston Smith, et il correspond parfaitement au portrait fait par l'auteur, un homme à la fois émacié et fragile, vieilli avant l'âge. Quant à O'Brien, il est joué par Richard Burton, qui vit les derniers mois de sa vie et dont la bonhomie glaçante vous inspire à la fois confiance et défiance. Enfin, l'œuvre a été intégralement filmée au moyen d'une pellicule désaturée, selon une technique très coûteuse, mais qui seule pouvait donner à l'image cette grisaille délavée qu'aurait une Angleterre dictatoriale. Le résultat donne donc une adaptation très fidèle du livre d'Orwell, pardon, et qui a fait naturellement dire aux spectateurs de l'époque, selon la formule de la célèbre publicité d'Apple, « Décidément, 1984 ne ressemble pas à 1984 ». Le spectateur d'aujourd'hui ne serait pas forcément aussi optimiste. Et non, malheureusement. Alors souvent, on dit que les adaptations au cinéma sont moins bonnes que les livres dont elles sont tirées. Est-ce que pour vous, c'est le cas cette fois-ci, Bruno ? Eh bien non, au contraire. C'est une adaptation tellement réussie qu'elle apporte une densité nouvelle au livre. En fait, le livre, par sa critique d'une novlangue, pouvait parfaitement nous permettre de saisir le drame d'un contrôle tyrannique du langage. Mais 1984, c'est aussi le contrôle tyrannique de l'image, par l'omniprésence du visage de Big Brother. Je cite, à chaque palier sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». Alors l'énorme visage d'un mètre de large est présent à tous les coins de rue, mais aussi sur le télécran assourdissant, cette sorte de télévision en miroir sans teint, qu'on trouve chez soi ou au travail. Or, le spectateur du film est bel et bien dans le champ de vision de Big Brother. À travers l'écran de votre ordinateur et juste sous la petite webcam qui vous filme peut-être, le regard vous transperce également. Vous êtes immergé dans l'univers dystopique d'Océania, d'autant plus facilement que son dictateur vous fixe. Et pourtant, Orwell n'invente pas ce procédé de l'œil qui voit tout, n'est-ce pas ? C'est bien vrai. Et dans un célèbre article sur le sujet, Carlos Ginzburg remonte au peintre grec de l'Antiquité qui représentèrent Alexandre le Grand sous ce procédé. Alors au Moyen-Âge, c'est bien sûr l'œil de Dieu, comme dans le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qui s'est vendu si cher l'année dernière. Mais surtout, Ginzburg montre bien que l'inspiration la plus explicite, ce sont les posters de recrutement de la Première Guerre mondiale, qui utilisaient le visage au regard d'acier de Lord Kitchener, ministre britannique de la guerre. Ces posters immenses, accrochés à tous les coins de rue, représentaient le vieux général fixant le spectateur et disant « Votre pays a besoin de vous ». Cet œil sonde tous les passants et pourtant chacun croit que lui seul est scruté. C'est donc une affiche qui s'adresse à tous et qui est pourtant terriblement isolante. Enfin, on reconnaît l'usage de la morale à l'indicatif. C'est la morale qui est si infantilisante qu'elle n'a même pas besoin de l'impératif. Elle ne dit pas « Engagez-vous » ou bien « Ne commettez aucun crime ». Elle dit « Votre pays a besoin de vous ». Ou bien Big Brother vous regarde. Alors Big Brother fait de la rue une prison panoptique et derrière le refuge de votre écran, vous n'êtes pas très à l'aise. Non, on n'est pas très à l'aise. J'ai envie de vous demander quand même, Bruno de la Briolle, ce que vous pensez en règle générale d'Orwell. Est-ce que c'est un auteur que vous aimez beaucoup ? Je pense que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange au fait que sa critique, qui apparaît aussi révolutionnaire, soit aujourd'hui si acceptée. Je trouve que oui, ça un petit peu comme s'il y avait quelque chose de louche. Mais oui, c'est ça. C'est parce que d'une certaine manière, on a un peu l'impression que les lecteurs de 1949 sont tous tombés dans le panneau en croyant que c'était une œuvre de la guerre froide et que nous on a compris et nous on sait que c'est les GAFA, etc. Ouais. Mais je serais pas surpris. Vous pouvez pas savoir à l'époque en même temps. Ouais, c'est ça. Mais je serais pas surpris que demain les présidents, les PDG des GAFA nous disent aussi ah mais moi j'adore l'œuvre d'Orwell, etc. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange. Merci Bruno de la Briolle. Voilà matière à réflexion. À très bientôt. Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. Deuxième partie de notre émission consacrée aujourd'hui à George Orwell. Après avoir évoqué 1984 avec François Borde, nous sommes à présent en duplex avec France Bleu Gironde, où se trouve le philosophe et romancier Bruce Bégout. Il vient de publier un roman aux éditions Fayard intitulé Le Sauvetage, sur le jeune père franciscain Léo Van Breda qui a sauvé de la destruction par les nazis plus de 40 000 pages de manuscrits du philosophe allemand Husserl. Mais c'est pour un autre ouvrage, évidemment, que nous l'invitons aujourd'hui, en l'occurrence un petit traité intitulé « De la décence ordinaire » publié en 2008 aux éditions Alia. Et cet ordinaire, eh bien, c'est celui des plus pauvres, celui en tout cas qui intéresse Orwell, comme on le comprend notamment à la lecture de son livre « Le quai de Wigan », dont voici un extrait, lui-ci, par Hervé Pierre. Ayant tout bien pesé, je pris ma décision. J'irai, accoutré en conséquence, à Limehouse, Whitechapel et autres quartiers déshérités. Je dormirai dans les lodging house à dortoir. Je fraterniserai avec les dockers, les colporteurs, les mendiants, les rebuts de la société et même, si possible, les malandres. J'essaierai de m'accointer avec des cheminots. Je saurai, grâce à eux, me faire admettre à l'asile de nuit et, une fois dûment renseigné, je me lancerai à mon tour sur les routes. Au début, ce ne fut pas facile. Il fallait se déguiser, et je n'ai jamais eu le don de l'acteur. Je suis, par exemple, incapable de travestir mon accent, plus de quelques minutes d'affilée en tout cas. J'imaginais notez ici l'effroyable sentiment de classe installé dans le cœur de tout Anglais, que j'allais être repéré et étiqueté comme un monsieur dès que j'aurais ouvert la bouche. J'avais donc préparé, à tout hasard, une pénible histoire de revers de fortune pour le cas où l'on me poserait des questions. Bonjour Bruce Bégout. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci aux équipes de France Bleu Gironde qui vous accueillent. Est-ce qu'on peut dire que la vie des mineurs dont Orwell a parlé dans son livre Le Quai de Wigham, c'est justement un exemple de la vie ordinaire ou un exemple de la vie des gens ordinaires dont vous parlez dans votre essai ? Certainement, même si presque 7 ou 8 ans auparavant, Orwell avait déjà en fait... fait cette démarche d'aller voir le peuple d'en bas, comme disait Jack London, d'aller voir les gens pauvres, voire très pauvres, les sans-abri, les cheminots, les trimards, etc. Et donc Wigan, c'est surtout la révélation de la classe ouvrière, parce qu'auparavant il faisait ces petites enquêtes hein, où il se grimait, il se déguisait, d'ailleurs un peu comme Jack London, qui a une influence très forte chez lui, non pas tant comme écrivain, mais au fond comme posture sociale, une sorte de socialisme, on pourrait dire, un peu vague et personnel. Et donc, il avait déjà fait cette démarche-là. Mais avec Wigan, au fond, il découvre la classe ouvrière et il découvre aussi, d'ailleurs, on pourrait dire, ses propres convictions politiques, parce que jusqu'alors, on ne sait pas trop véritablement quelles étaient ses opinions politiques, et même dans ses textes, c'est relativement flou. Il y avait toujours une forme de suspicion vis-à-vis du pouvoir, mais pas véritablement de d'axe ou de fil conducteur dans sa démarche pratique et politique. Donc Wigan, c'est à la fois la découverte des mineurs, et à travers les mineurs de la classe ouvrière, qui n'est pas tout à fait les gens qu'il côtoyait avant, qui étaient plutôt, au fond, des marginaux. Alors que là, la classe ouvrière en Angleterre, c'est plutôt la majorité. Et aussi, c'est une révélation de ce qu'il veut faire et de ce qu'il doit faire du point de vue de l'engagement politique. Oui. Alors, il y a évidemment ce livre, Le Quai de Wigan, il y en a d'autres, et notamment dans la Dèche à Paris, par exemple. Mais vous, ce que vous dites, c'est qu'au fond, chaque ligne écrite par Orwell, donc dans ses livres, mais aussi dans les autres, peut être lue comme une apologie des gens ordinaires. En quel sens, Bruce Bégout ? Oui, alors ça, il le dit très très tôt qu'il est fasciné par les choses communes, hein, déjà, je dirais, dans son enfance, hein, des choses très simples, pêcher, se promener, observer la nature. Puis, là, au retour de Birmanie, donc il va s'intéresser vraiment à la vie ordinaire. Et puis, il y a aussi des influences, je dirais, littéraires qui le marque, hein, Miller, Joyce, des gens qui ont vraiment, qui se sont détachés au fond d'une sorte forme d'approche romancée et illusoire de la réalité, qui ont commencé à parler dans des ouvrages de choses un peu brutes, de choses un peu triviales. Il y a une méfiance pour justement ce qui est trop romancé ou trop illusoire, comme vous le dites ? Oui, parce que au fond, Orwell vient quand même de la bourgeoisie. Il a été formé dans une public school très prestigieuse, Eton. Et donc, son monde, à lui, c'est quand même le monde de la classe moyenne. Et d'ailleurs, lui, en tant que membre de la classe moyenne, à Eton, il côtoyait des enfants, enfin des adolescents, plutôt des classes supérieures. C'est ça, il était plutôt dominé finalement quand même dans cette école qui est en effet l'élite à laquelle il n'appartenait que partiellement. Oui, d'une certaine manière, c'était sans doute au fond, oui, devait avoir ce sentiment de déclassement. Et d'ailleurs à Eton, tout le monde dit qu'il avait quand même une attitude très, on pourrait dire, anarchiste, entre guillemets, vous voyez, de réfractaire au pouvoir, avec des prises de position toujours un peu décalées. Mais son goût de l'ordinaire, oui, on le trouve très tôt et dès l'enfance, ensuite nourri par cette littérature. Et puis ensuite, il avait chez lui, oui, une volonté, enfin, il se sentait, je pense, à l'aise dans ce monde-là, avec ces gens-là, à décrire ces choses-là. Lui-même Occupé des métiers relativement ordinaires, libraire, il a tenu une épicerie, il adorait jardiner, etc. Donc il y a à la fois, je dirais, un tempérament personnel, des circonstances aussi historiques, littéraires, aussi sociales. Hein, c'est dans les années 20-30 commence au fond un regard sociologique sur la vie ordinaire. Par exemple, des sociologues de Mass Observation ou des gens comme Hogarth qui vont commencer à émerger, qui vont regarder la culture du pauvre d'une autre manière. Donc, Orwell collectait plein de choses, des petites brochures, des objets. Donc, il y avait chez lui vraiment ce goût. Hein. Il a essayé de voir dans la vie ordinaire quelque chose qui portait cette vie. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé, bien évidemment, directement. Hein. Et puis, ce qui vous intéressait déjà avant, hein, puisque vous avez écrit un essai en 2005 intitulé « La découverte du quotidien ». Orwell aurait sans doute beaucoup aimé cet essai, parce que précisément, c'est l'homme du quotidien. Et le quotidien, c'est sans doute pour lui, et pour Maurice Blanchot, que vous citez aussi en exergue de « La découverte du quotidien », c'est ce qu'il y a de plus difficile à découvrir. Et c'est là que ça intéresse le romancier aussi. Oui, tout à fait, parce qu'au fond, ce que dit Blanchot et ce que d'autres gens avaient dit avant lui, on pourrait dire même Hegel avait dit une chose à peu près similaire, c'est que le bien connu n'est jamais connu. C'est-à-dire que, au fond, l'évidence quotidienne, des gestes, des paroles, du regard, de la perception, on est tellement dans une atmosphère de familiarité que cette évidence va tellement de soi qu'elle disparaît. Et effectivement, le travail du philosophe et du romancier aussi va être de, au fond, briser cette paroi de verre qui nous barre l'accès à la quotidienneté. Et chez Orwell, je pense que le déclic a été littéraire au départ. Et il le dit, enfin, au départ, sa démarche dans la Dèche à Paris et à Londres, c'est une démarche à la Miller, quoi. Il veut vraiment, voilà, aller voir les bas-fonds ou à la London. Et ensuite, il va découvrir autre chose. Et ça, je l'indiquais dans la découverte du quotidien, parce que la dernière partie de la découverte du quotidien, c'était essayer de penser des normes du quotidien. Est-ce que le quotidien produit une normativité? Est-ce qu'il produit des règles? Et au fond, c'est une forme de norme immanente à la vie quotidienne. Et je m'étais intéressé à Orwell, juste après ce gros travail sur le quotidien, précisément pour ça, dans une recherche éthique. Y a-t-il, au fond, est-ce que la vie quotidienne, est-ce que les gestes quotidiens, les paroles quotidiennes, en se répétant dans des situations ordinaires, est-ce qu'ils produisent quelque chose qui serait de l'ordre d'une éthique? Alors, oui, précisément, parlons-en, oui, hein, de ce concept, oui, de common decency, parce que Orwell ajoute finalement à cette idée du quotidien, du commun, l'idée de la décence, et il en fait ce qu'il faut bien appeler un concept, parce que pour vous, Orwell, c'est un penseur. Alors, quel est ce concept de la common decency, de la décence ordinaire? Lui-même n'en fait pas un concept, enfin, il ne l'aborde pas comme un concept, mais c'est vrai que cette expression revient des dizaines de fois dans ses écrits, même dans ses lettres, dans sa conversation, à partir du Quai de Wigan. C'est dans le Quai de Wigan qu'il utilise cette expression qui ensuite deviendra pour lui une clé de lecture de son époque et des gens de peu. Common decency, je dirais, il y a deux manières de la comprendre, et même chez Orwell, il y a deux manières de la comprendre. Parfois, il l'entend comme une sorte de sentiment inné du juste et de l'injuste. Donc ce serait quasiment une sorte d'attitude naturelle à ne pas souffrir l'injustice, et une sorte de résistance comme ça, avoir l'injustice. C'est pour ça que dans l'essai de la décence ordinaire, je parle d'une sorte de démon de Socrate, d'Orwell, comme une sorte de conscience morale qui dit aux gens ordinaires, non, ça ne se fait pas. Et puis, il y a une autre manière de la comprendre, qui est de comprendre que cette décence ordinaire est non pas quelque chose d'inné, mais le produit de la pratique sociale, le produit des solidarités, les produits de la vie ordinaire, et notamment de la vie d'abord de la classe ouvrière, parce qu'ensuite, il va élargir, on pourrait dire, l'assiette de la common decency. Au départ, il la repère dans la classe ouvrière, puis chez les employés, on le voit très bien par exemple dans Un peu d'air frais, le roman, puis ensuite dans le peuple anglais opposé aux élites, etc. Mmh. Il y a une manière, on pourrait dire, innéiste de l'interpréter, puis il y a une manière, on pourrait dire, qui relèverait d'un usage, d'une pratique, où ce seraient les conditions de vie, de travail, d'entraide de la classe ouvrière ou des gens ordinaires, dans même pas simplement au travail, aussi dans les relations familiales, les relations sociales, amoureuses, etc., qui créeraient une forme comme ça de sens du juste et de l'injuste, qui n'est pas d'ailleurs toujours suivi, et Orwell n'idéalise absolument pas la classe ouvrière, hein, mais qui d'une certaine manière crée cette sorte de moralité immanente qui ne se réfère pas ni à des règles religieuses, ni à des règles philosophiques de type impératif kantien ou autre. Oui. Donc il faudrait faire partie de la classe ouvrière ou à tout le moins faire partie des gens simples pour au fond avoir cette moralité spontanée. Bah, pas toujours, parce qu'il repère quand même aussi le fait que tous les gens ordinaires sont aussi séduits par des choses qui ne relèvent pas de la common decency. Mais chez lui, quand même, on trouve plus facilement et plus communément cette common decency dans les classes populaires que, notamment, puisque à chaque fois, il va l'opposer à une certaine forme d'intelligentsia. Y compris l'intelligentsia socialiste. Oui, marxiste, disons. Marxiste. Parce que lui-même se disait socialiste. Donc, et d'ailleurs, pas tous les marxistes, parce que parfois, bon, on s'aperçoit quand on lit sa correspondance que bon, il y a le Orwell polémique, ou polémiste, hein, qui attaque telle ou telle personne, et puis il y a le Orwell dans la vie ordinaire lui-même, qui, par exemple, peut très bien attaquer un intellectuel dans une tribune, dans un journal, dans The Observer, dans Tribune, et qui, dans la vie réelle, peut le rencontrer au pub et discuter avec lui. On a de nombreuses lettres où des gens disent, mais il y a deux Orwell. Enfin, il y a le Orwell, on pourrait dire, assez, voilà, pamphlétaire dans ses textes. Et puis, il y a le Orwell qui, finalement, est très ouvert, très affable, très gentil dans la vie commune. Mais c'est vrai que très souvent, il oppose la common decency, la décence ordinaire, à l'indécence extraordinaire des classes dirigeantes, et notamment une classe qu'il connaît bien, qui n'est pas tout à fait dirigeante, qui voudrait être dirigeante mais qui ne l'est pas, qui est celle des intellectuels qui aiment bien le pouvoir et voudraient, au fond, comme il dit, tenir le fouet. Et notamment ceux qui ont approuvé, finalement, le pacte germano-soviétique. Un jour, je ne sais pour quelle raison, je suis remonté tôt après le déjeuner. Le pont était vide, à l'exception du maître de manœuvre blond qui se glissait comme un rat le long des cabines de pont en dissimulant à moitié quelque chose dans ses énormes mains. J'ai tout juste eu le temps de voir ce que c'était avant qu'il file devant moi et disparaisse par une porte. Il tenait une terrine contenant la moitié d'un pudding à la crème. J'ai saisi la situation d'un seul coup d'œil. De toute façon, on ne pouvait pas se méprendre sur l'air coupable de l'homme. Le pudding était un reste pris sur la table d'un passager. Il lui avait été donné illicitement par un steward et il l'emportait vers les quartiers de l'équipage pour le dévorer en toute tranquillité. Après plus de 20 ans, je ressens encore vaguement le choc d'étonnement que j'avais subi alors. Il m'a fallu du temps pour saisir toutes les dimensions de cet incident, mais est-ce une exagération de dire que cette révélation brutale de l'abîme entre la fonction et la récompense, la révélation qu'un artisan extrêmement qualifié, qui pouvait littéralement tenir toutes nos vies entre ses mains, était bien content de pouvoir dérober de la nourriture à notre table, m'en a appris bien davantage que ne l'aurait fait une demi-douzaine de pamphlets socialistes. La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture avec cet extrait d'une chronique d'Orwell. Elle date du 3 janvier 1947. Et dans cette idée de la décence ordinaire, Bruce Bégout, il y a aussi justement quelque chose de très concret, comme par exemple le fait qu'un ouvrier qui est très qualifié est obligé finalement de manger les restes des autres. Et ça revient beaucoup dans ces petits faits qui sont des faits justement ordinaires, mais qui disent beaucoup de choses pour Orwell. Oui, il y a un goût de l'observation des gens de peu chez lui. Bon, il passait beaucoup de temps dans la rue, au pub. Enfin, il aimait bien ce côté journalistique de sa démarche. Hein. D'abord, je veux dire, presque comme un empiriste anglais. Quoi. C'est d'abord par l'expérience que l'on va connaître les choses. Il n'y a pas chez lui d'attitude théorique comme ça, enfin ça ne vient jamais. C'est du pour coup, ça qu'il, genre, ouais. que l'intelligentsia aussi hein ne l'intéresse pas, au sens où elle est coupée, cette intelligentsia, de ces petites choses qui relèvent de l'observation, mais qui au fond en disent beaucoup. Oui, alors encore une fois, pas toutes intelligentsia, parce qu'il dit lui-même « Je n'ai jamais attaqué en bloc les intellectuels et l'intelligentsia ». Et au fond, quand on regarde sa vie, quand on relit par exemple la très belle biographie de Bernard Crick sur Orwell, on s'aperçoit qu'il vivait parmi eux. Enfin, quand on regarde tous ses amis, ses éditeurs, etc., ce sont des poètes, ce sont des intellectuels, des gens qui travaillent dans les journaux, dans les revues, dans les maisons d'édition. Donc lui-même vivait quand même parmi ces gens-là. Il était reconnu au fond comme un intellectuel. Enfin, ce qu'il attaque surtout, c'est l'intelligentsia, oui, marxiste, et surtout, d'ailleurs, après la guerre d'Espagne. Enfin, quand il revient de la guerre d'Espagne, il voit les tombereaux d'âneries et de mensonges qui sont écrits dans les journaux marxistes. Les gens qui n'y sont pas allés à la guerre d'Espagne, oui, précisément. Oui, Orwell suppose même qu'ils savent très bien ce qui se passe et qu'ils disent le contraire de ce qui se passe. Et bon, ce mensonge-là donnera 1984, 10 ans après. Mm-hmm. Donc, c'est pas toute l'intelligentsia. Donc, il naviguait aussi dans ce monde-là. Et je dirais, il naviguait dans les deux mondes. Et c'est quelqu'un qui a un don d'observation, comme ça, et qui sait s'adapter, enfin, comme une sorte de caméléon. Donc, il ne critique pas, encore une fois, l'intelligentsia en bloc. Mm-hmm. D'ailleurs, souvent, l'intelligentsia de droite, il ne la critique même pas tellement il est éloigné de ses positions. Donc, au fond, il critique ceux qui sont si proches de lui. Enfin, c'est toujours un peu le même processus, au fond. C'est son ennemi, on n'a pas besoin de le critiquer, parce que d'une certaine manière... Par contre, on va critiquer... Vous êtes toujours un peu comme dans les mouvements radicaux. Au fond, c'est le groupuscule qui critique l'autre groupuscule, etc. Ben, chez Orwell, au fond, il critique ceux qui sont de sa famille. Sauf que, bien évidemment, bon, il va très loin dans la critique et il met le doigt très souvent là où ça fait mal. Hein. Mmh. Et il le dit lui-même, hein, il veut avoir la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Alors, du coup, cette idée de la décence ordinaire, est-ce que Bruce Bégou, Orwell, réfléchit à la manière de la traduire politiquement, en quoi on peut changer la société en réfléchissant à partir de, alors, bon, ce qu'on peut quand même peut-être appeler un concept malgré tout? Oui. Alors oui, c'est quoi? Enfin, c'est un concept au sens où la récurrence en fait quand même une idée, pas une idée générale qui serait au-dessus de la réalité, mais quelque chose qui doit servir au fond de guide, hein, de méthode pour comprendre et peut-être aussi effectivement transformer. Alors il y a certains textes où il propose quand même des choses politiquement, notamment Le Lion et la Licorne, hein, où il propose même un programme politique assez radical. Hein, c'est même s'il était appliqué de nos jours, ce serait vraiment classé à l'extrême gauche. De l'extrême gauche. Il y a quoi, hein, par exemple, dans ce programme? Par exemple, des nationalisations, il y a une échelle des salaires de 1 à 10, par exemple. Hein. Pour maintenir cette décence, il ne faudrait pas que quelqu'un gagne 10 fois plus du point de vue du salaire qu'une autre personne. Bon, je pense qu'on en est très loin. Là, j'ai vu encore ce matin une annonce statistique comme quoi 50% des salariés français touchaient moins de 1500 euros par mois. Et donc il faudrait que, dans ce cas-là, le salaire maximum soit de 15 000 euros. Vous voyez. Bon, il y a aussi pour une réforme démocratique, hein, parce qu'il voit bien que la démocratie représentative, au fond, est quand même une forme d'aristocratie quasi héréditaire, enfin, vu... Et même d'ailleurs chez les travaillistes, hein, qui se refilent au fond les députations comme ça presque par tradition. Donc à la fois du point de vue économique, du point de vue social. C'est pour ça d'ailleurs que quand le Labour va arriver au pouvoir en 47, bon, lui-même sera très très sceptique, hein. Et Dieu sait si quand même le Labour de 47, c'est pas le Labour de nos jours, mais même par rapport à ces avancées qui pour nous relèvent de l'État-providence, etc., même Orwell trouve ça très timide et très sage, etc. Donc, oui. Donc il est très à gauche. Il est très à gauche, il est peut-être même anarchiste, parce que finalement, la décence ordinaire, c'est aussi de laisser les gens vivre un petit peu comme ils le souhaitent. C'est la critique quand même globalement de tout pouvoir et de tout début de coercition, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on peut parler d'anarchisme ? Alors, il a souvent utilisé cette expression, même anarchiste Tory, pour qualifier parfois certains auteurs, notamment Swift, et on sait que certains de ses amis souvent l'entendaient dire comme ça un peu par provocation, qu'il se présentait comme un anarchiste Tory, donc comme un anarchiste on pourrait dire traditionnaliste ou conservateur. Mais je crois que au fond, quand on regarde ses écrits politiques, je crois qu'il n'était pas anarchiste. Non, il c'est un socialiste non bolchevique, donc qui n'est pas pour une oligarchie du parti et une structure pyramidale de l'organisation sociale, Moi, je rapporterais ça. Bon, alors, lui-même était quand même en lien plutôt avec des mouvements trotskistes, notamment aux États-Unis, Partisan Review, etc., qui consonnent quand même assez bien avec ses idées. Mais il faudrait aussi le mettre assez proche des théories conseillistes, des l'auto-organisation, des masses. Donc, il n'est pas anarchiste au sens où il refuserait l'organisation. Non, je pense que c'est plutôt le... Si son tempérament, d'ailleurs, dès son enfance, le porte à une sorte de résistance quasi, je dirais, instinctive au pouvoir, en tant que penseur politique, je ne pense pas qu'on trouverait chez lui... des idées politiques, parce qu'il appartenait à un parti, hein, l'ILP, donc l'Independent Labour Party, qui relèverait de l'anarchisme. Mais si on pousse encore un petit peu plus loin dans son rapport d'une forme de détestation quand même de l'élite, cette idée que les gens simples ont une moralité qui est plus spontanée que les autres, est-ce que il n'y a pas le risque d'une certaine forme de populisme, c'est quand même le mot qu'on entend aujourd'hui politiquement beaucoup, dans cette idée de la critique finalement de tout pouvoir, de redonner la parole aux gens ordinaires. Est-ce qu'on ne peut pas voir là le début d'un populisme ? Tout dépend la manière dont on entend le terme de populisme. Si vous parlez de populisme au 19e siècle en Angleterre ou aux États-Unis, c'est quelque chose de très noble. Si vous l'entendez chez certains théoriciens, journalistes ou hommes politiques de nos jours, ils entendent plutôt quelque chose. Donc c'est l'idée que le peuple a toujours raison, quoi. Non, je pense que au fond, les gens doivent s'organiser par eux-mêmes sans qu'ils soient cornaqués par des structures hiérarchiques, que ce soit le parti, la différence des classes, la hiérarchie économique, etc. Donc tout ça doit venir d'une auto-organisation immanente des gens, hein, de la base, etc. Et donc... bien sûr qu'il y a ce risque, il le voit au moment même où il écrit, il voit bien que les classes populaires en Allemagne, en Italie, se convertissent au fascisme. Mais l'idée qu'il a, me semble-t-il, c'est que cela n'est possible que parce qu'il y a des structures hiérarchiques, par exemple le parti fasciste, etc., qui, par la propagande, convainc les affects des individus de se satisfaire dans telle ou telle politique. Voilà. Merci beaucoup Bruce Bégou. Je renvoie nos auditeurs, parce que là l'émission se termine, à votre petit essai de la décence ordinaire publié en 2008 aux éditions Alia. Cette émission a été rendue possible par les contributions d'Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinot, Stéphanie Vélin, Laurence Millet et Laurence Genepin. Derrière la console aujourd'hui, il y avait Florent Bujon et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, on continue d'explorer la vie et l'œuvre de George Orwell, et en particulier la période de la guerre d'Espagne. Nous serons en compagnie du philosophe Jean-Jacques Rosa.